Le restaurant Midas vous invite à venir profiter de l'été et vous offre pour tout le mois de juillet sa nouveauté, le Bubble Tea, à 4$ plus taxes seulement. Le restaurant Midas de Saint-Félicien, c'est une des meilleures poutines au Québec. C'est le poulet barbecue, le poulet frit, la pizza, le bar laitier et les déjeuners. Que ce soit en salle à manger ou pour emporter, c'est le restaurant Midas. Route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas souhaite un franc succès aux organisateurs du championnat québécois de vélo de montagne qui aura lieu ce week-end à Saint-Félicien. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau ou ailleurs. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, le vrai spécialiste dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et aussi conduite de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent à la Coupe du Québec en vélo de montagne ce week-end à Saint-Félicien. On va parler de nage en eau libre. Ça commence évidemment les compétitions de nage en eau libre. Et c'est, en fin de semaine, c'est celle de Chibougamau. Et question de savoir un peu comment que ça se passe là-bas. On parle avec celle qui est la responsable, Julie Arbeau. Bonjour Julie. Bonjour Denis. Julie, d'abord, si on parlait un peu de la compétition, c'est la 8e édition. Est-ce qu'on peut dire qu'année après année, ça s'en va en s'améliorant? Oui, ça va quand même en s'améliorant. Il y a des années où il y a plus de participation, d'autres moins. C'est quand même assez stable. L'organisation là, s'améliore d'année en année. Ben, c'est sûr, c'est déjà pas mal, là. À quoi s'attendre maintenant de cette 8e édition-là? Ben, on pense avoir environ une 40 à 50 participants, là, un peu comme les années dernières, là. OK. On a une belle journée, fait que ça va quand même être agréable, là. OK, évidemment. L'eau est à une bonne température aussi. On l'a mentionné, c'est une compétition qui se rapproche plus, je dirais, de Saint-Thomas-Didine que celle de la traversée du lac Saint-Jean. Là. T'es d'accord avec moi? Ça ressemble pas mal à la traversée à Saint-Thomas. Hein? Oui. Ben, c'est ça. Celle à Robert-Rue, c'est pas mal plus gros. Là. Ouais. Ça fait longtemps que ça existe ici. Puis, c'est plus comparable à celle de Saint-Thomas-Didine, mais il y a un peu moins de monde là, aussi qu'à Saint-Thomas-Didine. On est un peu plus loin aussi. Là. C'est plus... les jeunes de région qui participent de la ville, tandis qu'à Saint-Thomas-Didine, on a eu déjà un peu d'extérieur. Est-ce que les jeunes dans l'ensemble à Chibougamau participent quand même du côté des commanditaires, du côté des gens? Tu me dis qu'il y a moins de monde qu'à Saint-Thomas, mais est-ce que ça vient quand même assister à la compétition? Oui, les gens, l'intégration, il y est pour beaucoup. Oui. C'est sûr, quand on a une belle journée, la population vient, puis en même temps, c'est une plage, c'est que les gens peuvent se baigner. C'est des réceptions de zéro comme en arrière dans une baignade. Fait que quand c'est beau, les gens viennent pour relaxer, se baigner, puis en même temps, pour regarder la compétition. Puis on a quand même, au niveau des bénévoles, là, ça va bien aussi, les participations. Ça représente combien de bénévoles, hein? Je dirais une trentaine de bénévoles pour la journée de la compétition. OK. Dis-moi, parle-moi maintenant des gens qui vont être là, les nageurs qui vont être là. Est-ce que c'est. Il y a combien de classes pour cette compétition-là? Il y a trois distances, il y a le 5, le 2 et le 1 km. OK. Ça se fait simultanément, là, c'est pas en même temps. Puis c'est ça, dans le 5 km, là, on va avoir des gens de Soutemi, Saint-Lucien, puis il y a Alexandre Petitoué là, qui va participer à la traversée de Saint-Jean le 26 juillet, qui va être là. OK. Ben, évidemment, pour eux autres, c'est la préparation. Hein, c'est la préparation, ça sert de préparation, en fait. Oui, c'est ça, ils servent de ces petites compétitions-là pour se préparer aux plus grosses épreuves. OK. Et, dis-moi, est-ce que c'est difficile de recruter des gens étant donné que la compétition est loin, là, est-ce que c'est quand même difficile de recruter? Les participants quand même, ouais. Là, oui, c'est sûr qu'on a pas mal moins de participants qu'on fait dans le 15e, comme on disait tantôt, là. On est une institution de Québec, mais c'est quand même ouvert au public, là, pas nécessairement les jeux des clubs, mais les gens publics peuvent participer aussi. Donc, okay. On a même une belle participation de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'on a un petit peu désavantagé avec les petits. OK. On a un peu de misère à t'entendre, Julie. Évidemment, tu es sur ton portable. Il faut savoir que tu es sur ton portable. Donc, on va quand même raccrocher assez vite. Donc, ça se passe samedi à quelle heure à Chibougamau? C'est samedi. La première épreuve est à 10h30 pour le 2 km. Ensuite, on a le 2 km à 13h, puis le 1 km à 14h. OK. Ben, Julie, excuse-moi, j'aurais aimé ça parler un petit peu plus longtemps, mais là, étant donné que c'est difficile, on va s'en reprendre un autre tantôt. Ben, mais c'est parfait. Julie Arbour, la responsable du club de natation de Chibougamau.